En Corée, le Palais des sciences et techniques a abrité le 26 juin la clôture de l'exposition internationale des sciences et techniques de santé et d'appareils médicaux à usage domestique de Pyongyang. Et on prépare les officiels coréens intéressés, les délégations de divers pays et régions du monde. Durant l'exposition, il y a eu les séminaires techniques sur de divers thèmes comme le générateur d'eau corion, l'eau réductrice et l'eau oxydée, le sparadrap antinicotinique et le programme d'enseignement pour la prise en charge des maladies d'enfants. Lors du service de clôture, on a publié le résultat de jury avant de conférer les diplômes aux meilleurs auteurs.